trop, c'est pour que ça gêne. Y'a pas de mystère. Y'a pas de mystère. Prince Splendid au large. Décède l'espèce par ses hardcore. Si je commence à t'égrage, noircis la feuille en intégrale. Te raconte mes blèmes. S pour Maracay. S pour Maracay. J'attends rien du rap. J'attends rien du rap. Rap, moi je reste pareil. Par passion, je kick la prod dans le clavier et la bassonne. Impuissant. Face à une telle désillusion. Crois pas qu'on rappe pour passer le temps. Pas de réponse à mes questions, la nuit porte pas conseil. Pas le savoir est une arme, il a shooté mes espoirs. On est resté sur le quai. On est resté sur le quai, car c'est pas le même trafic, comprends. La vie, la vie, c'est une comédie, un long métrage de merde. J'aimerais voir ce que ça gêne aussi. Ça change pas 36 théories. J'aimerais voir ce que ça gêne aussi. Y'a plus de sagesse. Dans mon peur, y'a pas de censure. Pas de censure. Légalité, injustice. A chaque fois, à chaque fois. Légalité, injustice. À chaque fois, je condamne. Le pire reste à venir. J'ai un moment qu'on tente de le dire. J'ai un moment qu'on tente de le dire. Le pire reste à venir.